بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 15 leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب aujourd'hui on va compléter le درس d'hier Inch'Allah, sur le tannage, il y en a plus aujourd'hui ce qui concerne les autres parties de l'animal mort, Meïta. Et on va prendre les deux autres hadiths pour finir le bab avec son cours, Alhamdulillah. Et Bihadha kamalna bab al-Aniya. On aura fini le chapitre des récipients. Ok, alors Khulwasa, on avait dit quoi ? إذا دبر إهاب الميتة فقد طهر. Que si jamais la peau de l'animal mort était tannée, elle était purifiée. وفي رواية أيما إهاب دبر. Toute peau d'animal. Donc cela englobe tous les animaux. Tous les animaux. Qu'ils soient de ceux qui nous sont halal ou de ceux qui nous sont haram. À la consommation. Et en dedans même le porc et le chien. Maroujoud et les khilaf. Avec une divergence. Quand même. Et les fauves aussi. On a dit qu'on pouvait aussi s'habiller du vêtement des fauves. Des peaux des fauves. Ce qui était interdit, c'était de les prendre comme firoche, tapisserie ou couverture ou ce genre de choses. Et pour chevaucher dessus, sur les animaux. Amaré les alika, faya juzlana. Naam. Bah si. Là on parle du Meïta. Ce que tu as égorgé toi, c'est halal. Il y a pas de khilaf là-dessus. Là le hadith il vient pour parler de la bête morte. Ah non. طيب. Ensuite, il dit بعض المسائل الملحقة un idée sujet attaché à ce chapitre. قال مسألة شعر الميتة وصوفها les cheveux et la laine des animaux morts. Non. On s'arrêtait hier aux fauves. Là, ça c'était dans la masse à la qui est déjà passée auparavant. Ça, on l'a pas encore pris. Tayeb. Donc, la plupart des savants voient que elles ne sont pas une impureté. Et ils ont pris comme preuve, les mêmes preuves qu'on a pris dans le bab qui concernait cela, comme une aswafiha, wa aubariha, wa ash'ariha, afafan wa mata'an ilahin. Et de leur laine, et de leur poil, et de leur crin, ainsi de suite. De quoi on tirait profit. Et cela est un verset qui est général, qui concerne un animal qui a été égorgé ou celui qui n'a pas été. Celui qui est mort, tayeb. Et une divergence a été citée par rapport à ça. Que certains voient que leurs poils font partie d'eux, mais la parole la plus authentique, c'est que le poil, la laine, ce genre de choses, on l'avait pris dans quel mas'ala ça ? Ma kuti'a min al-bahimati wa hayyatun wa maytun. Tu vois ? Ce qui est coupé de l'animal alors qu'il est vivant, ça devient maïta. Ça devient de la chair morte. C'est là qu'on avait pris le sujet. Là c'est pareil. C'est la même chose. Tout ce qui est poil, à la base, c'est kharij. C'est le même jugement. C'est externe, c'est un jugement externe. C'est-à-dire les poils, la laine, tout ça, ça ne concerne pas la chair de l'animal. Ensuite, il dit Korn el meitati wa zulfuha. Les cornes ou les sabots, par exemple, de l'animal mort. C'est un animal qui a des cornes, par exemple, sur une vache qui aurait été tuée. qui serait morte, un taureau, un buffle, les animaux qu'on décorne, une chèvre, ainsi de suite. Donc, les Hanabila, les Shafi'iya, ou plutôt la plupart des Hanabila, des gens de Mazhab Hanbali, ils voient que c'est Najasa. Et d'autres voient que non. Cette parole-là, elle est prépondérante. Car le jugement des sabots et des cornes rentre dans le jugement de la laine également, ou des poils. C'est des choses qui sont externes. Qui ne sont pas liées à la chair de l'animal. Ensuite, il dit Mas'ala Aïdham El Meitati. Les ossements de l'animal mort. Donc là également, il y a un khilaf qui est venu. Des gens de science voient que c'est une najasa. Ils voient que cela rentre dans l'animal en soi, ces ossements. Et d'autres qui disent que non. Car la chose qui fait que l'animal il devient haram, quand il est mort, c'est le sang à l'intérieur, on a dit. Le sang qui est resté contenu dans son corps. Quand même, c'est même de là qu'on a sorti le jument, que les insectes, tout ce qui n'a pas de sang, Taïb et Tahir, est pur. On dit que l'ossement n'est pas concerné par ce jugement-là. L'ossement n'est pas concerné par ce jugement. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que les os, il y a du sang dedans. Des os, tu peux trouver du sang dans les os. Tu vois, c'est ça qui m'a posé à l'échelle. Il voit que ça prend l'ossement prend le jugement de ce qui n'a pas de sang. Quand même. Et lui, Cheikh Ibn Hizam, il voit que ça, la vie. Là, je te fais en résumé, hein. En vrai, c'est plus long que ça. Mais comme on l'a dit, on fait une version Mouyassara, simplifiée. Après, ici, une Mas'ala. L'Eben, El Meitati. Le lait de l'animal mort. Un animal qui est mort, d'accord. Par exemple, une vache, elle serait morte, elle aurait du lait dans ses mamelles. Quel est le jugement de ce lait? Est-ce qu'il est tahir ou pas? La plupart des gens de science voient que c'est considéré comme étant impureté. Et c'est l'avis de Cheikh Othaymin, rahmallahu ta'ala, qui a dit que le lait, à la base, concerne dans l'animal. Ça le concerne, ça vient de lui. D'accord? Et à la base, le lait vient d'où? Il vient du sang. Le lait est fait à partir de sang. Donc lui, il voit que le lait de l'animal qui est mort, une meita, qui n'a pas été égorgé, le lait prend le jugement de la chair. Et qu'il devient najasa. Donc tu traites une vache, elle est vivante. Ça ne rentre pas dans le hadith Makuti amnel Bahimati wa hayyatun fa wa maytatun. Parce qu'il a été coupé de l'animal vivant est considéré comme de la chair morte. Mais à la base, on a dit lait hors sujet qui prouve que le lait était trait, des animaux, leur lait était, ils ont été traits, et ils sont vivants, et que le Nabi Sallam, il en a bu ou quoi. Donc on a dit lait khas qui prouve que c'est pur. Donc on ne peut pas faire un qiyas avec le hadith précédent. On ne peut pas faire. Là, on a des preuves qui démontrent que même vivant, son lait est pur. Même vivant, son lait est pur. Donc laisse, ferme cette porte. Quand même. Donc là, on a fini de les masa'il al-mulhaqa bi al-hadith. Donc le lait, c'est najasa. Al-alcool est sahih. Quand même. Après, il dit al-hadith al-tasi achar. Al-nabi sa'arabata. الخشني قال رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكلوا في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه والحديث 20 وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزالة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. Donc le hadith est de Abu Tha'labah al-Khushani radiallahu anhu qui l'a dit que j'ai dit au messager d'Allah nous sommes sur une terre des gens du livre. Est-ce que nous mangeons de leur récipient ? Il dit, n'y mangez pas, sauf si vous ne trouvez pas autre chose. Alors lavez-les, les récipients, et mangez dedans. D'ailleurs, et mangez dedans. Le hadith, c'est les mots de tabac qu'on a allé. Et selon Imran ibn Hussein, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont fait l'ozo, leurs ablutions, d'un récipient d'une femme mouchrika, d'une associatrice. Et le hadith est aussi les mots de tabac qu'on a allé, ça. Donc là maintenant, ça concerne Hukm Aniyat al-Kufar, le jugement des récipients des mécréants. Al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son Sharh Muhadhab qu'il est détestable d'utiliser les récipients des kuffars, qu'il s'agisse des gens du livre ou autre que eux. Il y en a tous ceux qui utilisent des najasa. Et la preuve en cela, c'est le hadith de Abu Sa'araba. Par contre, il dit que si jamais on est sûr et certain que le récipient ne contient pas de najasa, alors il n'y a plus de karaha, ce n'est plus détestable dans leur utilisation. On peut les utiliser à bon escient. Donc il dit, c'est quoi le jugement de leur récipient ? C'est qu'ils sont purs. Leurs récipients sont purs. Hein ? À la base, ils sont purs, leurs récipients. Le récipient lui-même, il est pur. D'accord ? Le récipient lui-même, il est pur. Par contre, maintenant, l'ishkel, c'est quoi ? C'est ce qu'ils y cuisinent dedans. Là, l'histoire, maintenant, ce n'est pas le récipient en soi, ce qu'ils y mettent, le contenu du récipient. Ils y font du porc, ils y mangent de la chair morte, et encore. Pas les gens du livre, du moins les vrais gens du livre. À la base, ils égorgent pour Allah, tu vois. D'où que leurs sacrifices nous sont permis, leurs viandes égorgées nous sont permises. Mais au moment, les koufars, dans leur récipient, ils mangent ce qui n'est pas halal. Également, même les gens du livre, ni les chrétiens, ils mangent du porc. Donc, en réalité, ce sujet revient à quoi ? Que cela est détestable de les utiliser. Mais si tu les laves, d'accord, tu les laves, ça enlève ce qu'il y avait comme impureté dedans. Mais le récipient en lui-même, il est pur. Mais il faut que tu t'assures qu'il ait bien été lavé. Par exemple, demain, ma salade souvent qu'à employer, tu ne prends pas, demain par exemple, je ne sais pas moi, dans un restaurant, ils ont fait cuire du porc dans une huile. Et après, ils servent cette même huile pour faire frire autre chose. Bah, ce qui était frit dans l'huile où il y avait le porc, tu n'en manges pas. Par exemple, il fait cuire du porc, après il a servi quelqu'un. Dans la même huile, par exemple, je ne sais pas, après il fait cuire un steak halal. Normalement, halal. Bah, toi, steak, même s'il est halal là-bas, tu ne le manges pas. Pourquoi ? Il était frit dans une huile qui était imprégnée d'un najasa. Elle n'a pas été nettoyée. À la base, l'huile, khalas, elle a fait cuire un najasa. Par contre, la casserole en soi, la friteuse en soi, la poêle en soi, si elle est lavée et tout, tu peux l'utiliser après, avec une autre huile propre. Ou huile ou pas huile, s'ils ont utilisé un ustensile pour faire cuire une nourriture contenant de la najasa, et qu'après ils n'ont pas lavé, ils en mettent une autre avec, la najasa va rentrer dedans, cette nourriture. Elle va se mélanger. Et pour preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a déjà consommé, déjà le hadith de Imran, il a fait l'eau d'eau dans quoi ? De leur récipient d'une femme mouchrika, et les sahaba kadhalik. Et également, quand il s'est fait empoisonner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par la juive, il l'a mangé dans le plat directement, il ne l'a pas lavé. Il l'a mangé directement, c'est un dilemme qui prouve que tu peux manger dans leur plat. D'accord ? Tu peux manger dans leur plat. Mais là, c'est les gens du livre où on sait qu'ils égorgent. À la base, les juifs, ils égorgent. Selon le rite légiféré. Surtout à son époque. Aujourd'hui, bon, c'est autre chose. Mais la base, c'est que la nourriture, le vrai juif, le vrai chrétien, leurs viandes sont permises. Le vrai juif et le vrai chrétien. Leurs viandes sont permises. Donc, leur récipient, l'est. Ce n'est pas un récipient à alcool ou à porc pour les chrétiens. à la base, le récipient, il est pur. Tamam. Donc là, c'est khas pour el-kitab. Par contre, autre que el-kitab, le récipient en soi est pur. Maintenant, assure-toi qu'il n'ait pas été imprégné de najasa. Sinon, faut le laver. Faut le laver. Ah, mais quand tu as fait l'eau d'eau, ça c'est autre chose. Pourquoi l'eau d'eau? Parce que l'eau d'eau, ça rentre dans le jugement de l'eau. Si l'eau n'a pas été échangée, comme tu le sais, pour de ses caractéristiques pour le najasa, l'eau reste pure. Si najasa a été enlevé par de l'eau dans un masjid, donc le reste c'est pareil. Ça va venir le beb. Après, le beb d'après c'est les najasa et comment les enlever. Ça va venir, Inch'Allah. طيب. Après il dit الحديث الواحد وعشرون 29e حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. Selon Anas bin Malik, que le vase, un vase, un jar ou un vase ou un gros récipient, quoi, avec des poignées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'est cassé. Alors, il a remplacé la lance par une chaîne en argent. Et le hadith rapporté par le Bukhari. Tamam. Donc là, c'est quoi la mas'ala? Pour Bayen, l'une des mas'ala qui était laquelle? Celle du hadith de Hudhayf ibn al-Yaman et de Salama sur les récipients en argent et en or. Maintenant, ce hadith vient pour clarifier un point. Qu'en est-il? Il dit mas'ala tadbib tadbib bil fidda. Tadbib bil fidda. Le fait de mettre une poignée en argent. Il rapporte une parole d'Ibn Qudama dans le Mughni. Il dit, dans laquelle il dit justement que mettre une poignée en argent est permise. Pour condition, à condition qu'elle soit simple, qu'elle soit en argent et non d'or. Car si elle était en or, elle ne serait pas permise. Et qu'elle dit troisième condition, que ce soit pour un besoin. Que ce soit pour un besoin. Après, cita les paroles de ceux qui ont donné leur... ils ont été d'accord avec lui dans cette parole. Savoir une chose, dans ce livre, qu'on prend de façon résumée, Cheikh Ibn Hizam cite toujours, toujours des ulama qui ont devancé ce qu'il dit. Tamam. Même si des fois on saute, on agace sa parole directement, il cite toujours avant lui les paroles des gens de science, parmi les imams, avant sa parole à lui. Et après, il voit l'avis qui paraît le plus juste parmi lors des divergences. Donc de là, il nous apparaît qu'il est permis de boire dans un récipient ayant une poignée en argent. Ce hadith est venu pour faire un tarsis. Un hadith précédent. Et c'est l'avis également de Cheikh Uthaymeen. Certains ulémas ont vu qu'il était détestable de boire directement de ce récipient. À cause de cette poignée en argent. Et Cheikh Uthaymeen, il dit quoi? La réalité, c'est que cela n'est pas détestable. Car une chose détestable doit être basée sur un dalil. Et là, il n'y en a pas. Là, on a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé. Quand on dit qadah, ils ont mis vase, ça peut être un jar, ça peut être un gros verre, ça peut être un gobelet, ça peut être un... Hein? Donc il n'y a pas de preuve qui montre que cela est détestable. Et pour finir, il dit mas'ala at-tadbib bi al-dhahabi. At-tadbib bi al-dhahabi. Le fait de mettre une poignée en or. Donc là, il cita le shir que la plupart des gens de science, dans leur ensemble, quand on dit l'ensemble, c'est pas tous, mais on va dire la masse des gens de science, ils voient que cela est illicite, cela est haram. Car le texte qui nous est venu parle de quoi? D'argent. C'est tout. Donc on prend l'argent. Et peu ont se sont opposés à cette parole, et peu se sont opposés à cette parole. Et leur parole est une parole faible. Ceux qui l'ont permise. Naam. Mafhoum hada. طيب. Donc de là on a fini alhamdoulillah bab al-aniya qui est un bab court alhamdoulillah et min al-ghad ندخل في bab izalat al-najasati wa bayanha. Comment enlever les impuretés et quelles sont-elles? نعم فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.